Cet outil-là être sous tension, stress et à lutter pour construire son corps mental. Ben, le corps mental, il est déjà construit. L'affaire, c'est l'épuration du mental. Là, des fois, ça va passer par des mises en vibration. C'est-à-dire que l'entourage peut servir à épurer le corps mental, l'expérimental. Là, il va falloir transmuer la colère que ça peut engendrer en volonté. En volonté de faire un certain vide. Mais là, je ne parle pas de faire un vide autour de vous, mais faire un vide dans vous. L'épuration du mental. Après, tout devient plus clair un peu. Ça devient plus fluide. On n'a plus besoin de réfléchir autant. Mais bon, oui, ça peut servir d'être sous tension. Parce que ça force, ça va vous forcer à transmuter des affaires. Ça va vous forcer à. C'est un petit peu de l'alchimie interne, hein? Ça va vous forcer. Mais c'est de comprendre que l'ego, ben en tout cas le voir, l'ego, il peut pas faire des choix par rapport à ce qui n'a pas intégré. C'est impossible. C'est là que le libre-arbitre est une illusion. Donc, s'il va y avoir une intégration, ça va tout le temps parce qu'on est forcé par les circonstances. On va être amené à. Parce qu'on n'a pas le choix. Puis à un moment donné, on finit qu'on regrette rien. On se rend compte que même ce qu'on a vécu de pire sert. Mais bon, on ne se fait pas reprendre. C'est là qu'on voit si c'est intégré ou pas. C'est de ne pas se remettre le pied dans le même trou. Donc, si seul le réel existe, peut-on dire que le reste est le réel altéré par la perception? Oui, entre autres, mais il reste que ce qui n'est pas réel existe aussi au sens que ça a un effet.